طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندي سؤال عند من؟ J'ai une question. Qui c'est qui peut? Qui c'est qui se voit pour la répondre? حياك الله يا أبو عبد الله. طيب سورة النصر هي مكية ولا مدنية؟ نعم مدنية بلا خلاف. نعم وهي من أوائل السورة أوائل السور التي نزلت أم من أواخرها؟ نعم أحسنت. دونك سورة المسد سورة النصر est une سورة مدينوازه et elle fait partie des dernières sourates qui ont été révélées. طيب ماذا نقول لمن يقول أنها أو أن سورة التوبة هي آخر ما نزلت كما ثبت عند البخاري وعند الإمام مسلم عن حديث أو من حديث البراء بن عازب. Qu'est-ce qu'on dit à la personne qui nous dit que la dernière سورة qui a été révélée c'est سورة التوبة. نعم. نقول أن هذا الصحابي قال هذا الكلام بما عنده من العلم. أحسنت أحسنت. On répond que ce compagnon a parlé en fonction de la science qu'il avait, en fonction de son effort. نعم. وقبل هذا نقول لهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث نعم حديث في بيان أواخر السور. أو آخر السورة سورة التي نزلت. يا avant ça on dit on lui explique comme quoi il y a pas un hadith qui est confirmé où le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué quelle était la dernière سورة qui est descendue. نعم نعم. طيب قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله سورة الكافرون سورة الكافرون. طيب هذه تسميتها المشهورة. Donc ça c'est son appellation la plus célèbre. طيب وهل لها أسماء غير هذه غير هذا؟ Est-ce qu'elle a d'autres noms؟ عندك يا عثمان. الله أعلم. ايوه نعم عندها عده اسماء بعضها ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم او بالاحاديث الصحيحه وبعضها يعني عرف يعني عرف تسميتها يعني على مر القرون بهذه الاسماء. نعم. Donc, elle a plusieurs noms. Certains de ces noms sont confirmés par des hadiths et d'autres sont des appellations anciennes. نعم. طيب منها parmi ces noms قل يا أيها الكافرون يعني سورة قل يا أيها الكافرون هذه من أسماء هذه السورة. نعم وهذا الذي ثبت به بالأدلة الشرعية كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم تفضل. طيب نعم إذن سورة الكافرون وسورة قل يا أيها الكافرون وكذلك قيل أنها تسمى سورة الكافرين سورة الكافرين عندكم الكافرون وكذلك سورة الكافرين فإذا تسمعون واحد يتكلم معكم ويقول قرأت سورة الكافرين فَلَا تَتَعَجَّبُونَ. Tamam. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit « J'ai lu Sourate al-Kafirin », ne vous étonnez pas de cette appellation, car c'est une appellation ancienne. Naam. Sourate al-Kafirin, wa kadhalika Sourate al-Ikhlas. Tusamma kadhalik Sourate al-Ikhlas. Naam. Tusamma Sourate al-Ikhlas. وكذلك سورة العبادة. سورة العبادة فتسمى الكافرون والكافرين وقل يا أيها الكافرون وماذا والعبادة والإخلاص. نعم ذكروا نحو هذا 5 أسماء لها. نعم قال وهي مكية. Donc, elle est descendue dans la période mécoise. À la période mécoise. نعم. وعند قوله ما تعبدون أي من الأصنام. لا أعبد ما تعبدون. ما تعبدون أي من الأصنام. أي من الأصنام. ما تعبدون, c'est-à-dire ce que vous adorez comme idole. Je n'adore pas ce que vous adorez comme idole. وفي قوله ما أعبد أي من أعبد وهو الله سبحانه وتعالى. أي من أعبد وهو الله سبحانه وتعالى. Au sujet de la parole, yani ce que j'adore, c'est-à-dire, vous n'adorez pas celui que j'adore, qui n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. Naam. وعند قوله دينكم وهو الشرك. وعند قوله دينكم أي وهو الشرك. C'est-à-dire, l'association, votre religion, l'association. Naam. لكم دينكم ولي دين وعند قوله دين وهو الإسلام ولي دين وهو الإسلام. نعم طيب نعم واكتفى بهذا القدر شيخنا عبد الكريم أبو عمرو في تفسير هذه السورة. طيب هناك تكرار أليس كذلك؟ بلى. إيه. يعني يقول الله سبحانه وتعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما تعبدون وما عبد ما عبدتم عفوا ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب لماذا كرر عند الأذكياء؟ ها pourquoi il a répété, pourquoi il a répété plusieurs fois ces versets pour que ça soit clair et qu'il n'y ait pas de confusion. ما شاء الله جيد قيل كذا يعني تقصد التوكيد يعني tu veux dire pour confirmer. Oui pour confirmer. نعم. أحسنت أحسنت الله يبارك فيك يا عثمان. قيل كذا يعني سيأتي دي كالله سبحانه وتعالى إلى répété ces versets parce que il faut que vous preniez une faïda, c'est qu'Allah سبحانه وتعالى إذا كرر آية أو كلمة في نفس الموضوع ف يعني c'est pas fait par hasard. C'est pas par hasard. Bel, il y a un but visé dans cela. Naam. Taïb. Wadi, c'est une faïda de Jamila que Cheikh Al-Uthaymeen il a évoqué dans le tafsir. Yani, nous l'achis al-faïda. On est venu avec le résumé de la faïda. Yakoul, ikhtalafu. Oh, yani, naqoul. Ikhtalafu العلماء أو اختلف العلماء في سبب التكرار في هذه السورة. فبعضهم قالوا كأخينا كما دي نتخي عثمان للتوكيد كالله سبحانه وتعالى il a répété ces versets là pour en guise de confirmation. وبعضهم قالوا للمستقبل بمعنى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد بمعنى j'adore pas ce que vous adorez, c'est-à-dire actuellement. Et vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire actuellement. Taïb. Et les versets d'après, wala ana abidum ma abattum, et je n'adorerai pas ce que vous adorez. Et vous n'adorerez pas ce que j'adore. Fahimtum enta yani el farq bayna hada wa hada? N'am. Taïb. Hal hunaka ishkal dans cette explication? أحسنت أحسنت الله يبارك فيك هذا يعني هذا الذي ردوا بسبب هذا ردوا هذا القول vous avez compris la réponse d'Abdel Karim طيب je lui ai demandé quel est le يعني est-ce que ce tafsir il contient يعني une faiblesse et il m'a dit comme quoi comment là on dit que yani ils n'adoreront pas ce que j'adore c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore alors qu'il y en a qui vont peut-être adorer Allah après comme c'est venu pour Omar ibn Khattab comme c'est venu pour Khalid ibn al-Walid comme c'est venu pour tant de sahaba qui étaient avec les mushrikines fi bidayat l'islam thumma ba'dain fi niyat l'islam sar ou Omar yani fi bidayat l'islam lakin ba'dain sara ma' al-muslimin. فنعم هذا مما ردوا هذا القول. Donc نعم. Donc نعم. قال بعضهم للمستقبل. C'est-à-dire comme je viens de vous expliquer les deux premiers versets. Vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire الآن à l'heure actuelle. Et je n'adore pas ce que vous adorez à l'heure actuelle. Et je n'adorerai pas ce que vous adorez dans le futur. Et vous n'adorerez pas ce que j'adore dans le futur. Et ça a été réfuté en disant que comment on peut dire de ces gens qu'ils n'adoreront pas ce qu'on adore, alors qu'il se peut qu'ils croient en Allah Azza wa Jal et qu'ils finissent par l'adorer. Naam. فهذا كلام وأجيب بذلك إلى تدي c'est-à-dire ceux qui disaient cette parole comme quoi c'est le mustaqbal quand on leur a ramené cet argument qu'est-ce qu'ils ont répondu ils ont répondu que le but visé ce sont les kuffars que Allah subhanahu wa ta'ala alima annahum lan yu'minu ce sont les kuffars que Allah subhanahu wa ta'ala il a su qu'ils ne croiront pas. Donc ça fait que le verset, en vérité, selon cette parole-là, le verset, il n'est pas pour tout le monde. Il serait que pour une catégorie de personnes. Et c'est pour ça qu'ils ont encore plus réfuté cette parole. Parce que yani, le but du Coran, c'est qu'il soit pour toute la communauté, en termes général. En termes général, le Coran est pour toute la communauté. Donc si on trouve un ayah, qui prête à plusieurs sens, le mieux, c'est qu'il soit applicable à l'ensemble de la communauté, et non à un groupe. Naam. Donc, ils ont réfuté cette parole-là. طيب. والقول الأخير يعني هناك أقوال غير هذه لكن ملخص الأمر هذا هو. والقول الأخير il y a d'autres paroles, hein. c'est pas limité à trois paroles, mais le plus important, c'est celle-ci. Mais la dernière parole, c'est que les premiers versets, c'est-à-dire vous n'adorez pas ce que j'adore, ou je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Jusque-là, pas de problème. Et les deux versets d'après, c'est « Wala aqbal » Yani bi ma'na, et je n'agrée pas ce que vous adorez, et vous n'agréez pas ce que j'adore. Et ça, c'est d'après ce que Cheikh Al-Uthaymin rapporte dans son tafsir, il dit que c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Taymiyyah. Ou Cheikh Al-Uthaymin, il voit que c'est la parole la plus juste. Naam. بالعربية طيب ف تكتب الآيتين يعني جست لا بقول لا تخدم بقول طيب القول الثالث أي أن الآيتين الأوليين يعني بمعنى ليست عبادتي كعبادتكم. ليست عبادتي كعبادتكم. وليست عبادتكم كعبادتي. جزء كلام مفهوم. طيب. والآيتين الأخريين بمعنى لن أقبل غير عبادتي لن أقبل غير عبادتي c'est-à-dire je n'accepte pas autre que mon adoration c'est-à-dire l'adoration que je pratique ولن أقبل عبادتكم ولن أقبل عبادتكم وأنتم كذلك لن تقبلوا لن تقبلوا نعم وبهذا ننتهي من تفسير هذه السورة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك